19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Non, ce soir, l'œil n'est pas dans la tombe, tout au contraire, le bonheur est dans la grotte. 15 volontaires viennent de se confiner dans une cavité d'Ariège, et pour 40 jours. Réelle expérience scientifique ou tout au contraire, ultime épreuve d'un Koh Lanta cavernicole, nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, rien de nouveau. Voici 170 000 ans, Néandertal était déjà spéléologue et il s'enfonçait au plus profond des cavernes. L'étonnante architecture de stalagmites, récemment découverte tout au fond de la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, en est l'exemple le plus spectaculaire. Arrêtons d'évoquer le confinement. Pire, les chauves-souris, animal de cauchemar, vecteur de virus, et que les préhistoriques n'ont d'ailleurs jamais représenté dans leur art rupestre et pariétal. Le magazine d'archéologie de France Culture va, ce soir, toutefois plonger sous terre, mais avec bonheur, puisqu'il a pour guide un des plus brillants chercheurs. Départ donc pour les profondeurs de la Roquette, Lascaux, Niaud, le Madasil, mieux Fontaine, au cœur de l'Afrique du Sud et du berceau de l'humanité, avec Laurent Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes karstologue, géomorphologue, spéléologue, chercheur à l'INRAP au CNRS, à l'IFAS, l'Institut français en Afrique du Sud. Vous explorez le Botswana, le Mozambique, la Namibie et surtout aimez les chauves-souris. Laurent Bruxelles, c'est pour les auditeurs auditrices de France Culture que vous sortez de votre grotte ? Ben oui, tout à fait, puisqu'il y a moins d'une heure, j'étais sous terre avec des collègues géologues et nous avons travaillé dans la grotte en scrutant quand même notre montre, parce que vous savez, souvent sous terre, on perd la notion du temps et il fallait pas rater ce rendez-vous important, donc on a été vigilants et on est là à l'heure. Et vous travaillez en fait la nuit ? Oui, alors ça dépend évidemment les périodes, mais en ce moment, si on veut pas déranger les chauves-souris, l'idéal est d'aller parfois de nuit, puisqu'elles sont sorties chasser, ce qui nous permet d'aller sous terre. Donc hier soir, voilà, on est rentré à 3h du matin pour aller faire des petits prélèvements dans une grotte sans les déranger, parce que on aime les chauves-souris et qu'évidemment, il faut les protéger. C'est pour cela que la grotte Cévenol de la Roquette, que personne d'ailleurs ne connaît, est désormais la plus étudiée des cavités françaises ? Oui, une des plus étudiées. Alors, c'est une grotte effectivement peu connue, même si elle a livré un petit peu de préhistoire. C'est une grotte que beaucoup de gens de la région ici, donc de Saint-Hippolyte-du-Fort, visitent le week-end parce que c'est une grotte facile d'accès. Et finalement, eh bien, elle nous a révélé des choses importantes. Il y a quelque chose qui me troublait beaucoup lorsque j'allais sous terre, c'est que je reconnaissais pas les formes que je connais habituellement dans les grottes. J'avais beaucoup de mal à comprendre son histoire. Et comme j'habite juste à côté, eh bien, à force d'y aller, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, à tel point qu'on a développé des programmes de recherche et que finalement la grotte de la Roquette devient maintenant, ou va devenir surtout, un modèle, un référentiel pour un phénomène dont on va parler, je pense, pendant une bonne partie de l'émission. C'est une grotte profonde ? C'est une grotte qui fait environ 800 mètres. On peut rentrer par un gouffre, donc un avène avec un puits vertical, et ressortir par une ancienne voie de chemin de fer abandonnée. Donc en 2-3 heures, on peut faire le tour. Et nous, on va y passer au moins 2-3 ans, tellement il y a de choses à voir. Laurent Bruxelles, les grottes sont un monde où chaque grotte aurait sa couleur, son odeur. Oui, clairement. Chaque grotte est différente. On peut pas dire qu'on en connaisse deux pareilles. D'abord parce qu'elles répondent à des questions géologiques et géomorphologiques dans leur histoire, leur évolution. Et puis ensuite, eh bien, il y a toute l'évolution postérieure de leur recoupement par la surface. Pour qu'on puisse rentrer dans la grotte, il faut que l'entrée se soit formée. Il y a l'occupation de la faune, il y a l'occupation de l'homme qui a aménagé aussi la grotte. Et donc chaque cavité a sa caractéristique. Il y a des grottes rouges, il y a des grottes plus blanches, d'autres plus noires, grâce aux torches. Il y a les torches, il y a aussi tous les minéraux qui vont être dissous par l'eau lorsqu'elle va traverser le sol en surface, puis ensuite la roche. Et elle va amener ces minéraux dans la grotte. Et par exemple, vous allez avoir des stalactites parfois qui peuvent être bleues. Lorsqu'elles sont, disons, pures, elles vont être relativement blanches. Mais en vieillissant, elles vont devenir orangées. Et donc, on a tout ce panel de couleurs qui se surimpose en plus aux formes de la grotte et qui fait que on voit ça comme une œuvre d'art. On trouve que c'est très beau, surtout quand on amène beaucoup de lumière sous terre. Mais en fait, chaque élément est un pan de l'histoire de la cavité. Oui, j'avais vu dans la grotte du Portel, donc en Ariège, des très très belles couleurs. Je crois que Chauvet en a aussi. Laurent Bruxelles, quel est donc votre drôle de métier ? Découvrir des lois physiques et l'évolution des processus cavernicoles ? Vous allez nous dire ça bien mieux que moi. C'est-à-dire, oui, c'est un drôle de métier, voire même une drôle d'idée. Tout part au début parce que je suis spéléologue. Et donc, très jeune, j'étais dans les grottes. J'adorais, évidemment, visiter les grottes. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir la suite. Et on est beaucoup de spéléologues en France à chercher la suite des grottes, puisque c'est un des derniers domaines sur Terre avec les abysses où on peut encore découvrir, faire de la découverte. Voilà, on est les premiers à aller. Et donc, je m'étais dit, quand on veut chercher de manière efficace des grottes, il faut comprendre leur histoire. Donc, pour comprendre leur histoire, il faut les étudier, savoir comment elles se sont formées, d'où venait l'eau qui l'a creusée, où est-ce qu'elle est allée, quelle est l'évolution postérieure, quelle est leur relation avec la surface. Et donc, il faut forcément étudier les phénomènes physiques, la géologie, la géomorphologie, l'hydrogéologie, c'est-à-dire l'histoire de l'eau sous terre. Et ce n'est qu'à ce titre-là que l'on arrive peu à peu à comprendre la grotte et son histoire. Et donc, je suis devenu effectivement un karstologue, c'est-à-dire un spécialiste des paysages calcaires et des grottes. C'est-à-dire qu'une grotte, bien sûr, ça évolue, mais petit à petit, elle s'accroît, tout tombe du plafond, petit à petit, ça remonte, non, c'est ça ? Alors voilà, chaque grotte va évoluer d'une manière distincte en fonction de la géologie, mais la nature a horreur du vide. Donc une grotte, à partir du moment où elle va arrêter de se creuser, elle va se reboucher par différentes façons. Évidemment, c'est une faiblesse dans le massif calcaire, donc elle va provoquer des effondrements. Mais aussi, il va y avoir toutes les infiltrations qui vont ensuite amener de la calcite. C'est ce qui constitue les stalactites et les stalagmites. Et donc, il va y avoir de l'eau qui va s'écouler, qui va amener aussi du sol, donc de l'argile. Et donc, la grotte va toujours petit à petit aller jusqu'à se reboucher, se colmater complètement. Alors après, effectivement, il y a beaucoup d'autres processus, puisque l'homme intervient, il rentre dans les grottes, il les aménage. Et puis, évidemment, les animaux, la faune, donc il y a des ours de caverne, le blaireau vient sous terre, et évidemment des colonies importantes de chauves-souris. Une grotte, cela évolue, cela enregistre des événements. Nous allons en évoquer un majeur et totalement insoupçonné au travers de la respiration des chauves-souris. Et oui, c'est assez paradoxal. Et même nous, karstologues et habitués du milieu souterrain, ça nous a surpris. Et on est encore surpris puisque jusqu'à hier soir encore, on découvre, si vous voulez, cet impact-là. Effectivement, fut à imaginer que la grotte est un milieu très très stable. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'on trouve des vestiges archéologiques anciens, voire même des œuvres pariétales qui sont extrêmement fragiles. Donc c'est un milieu initialement très stable. Mais par contre, la moindre source d'acidité va très vite faire évoluer cette grotte. Alors lorsqu'on était près des entrées, c'est pas étonnant, il y a par exemple le froid qui va rentrer dans la grotte, il y a un petit peu de végétation, de la matière organique, et souvent les entrées de la grotte évoluaient de manière assez rapide. Mais très profondément, on était toujours dans ce milieu extrêmement stable. Et en fait, on s'est aperçu que les chauves-souris, elles, qui peuvent aller jusqu'à 2 km sous terre, vont amener finalement tout un écosystème avec elles. Et ne serait-ce que, pour donner le premier indice, c'est leur respiration. Les chauves-souris vont s'accrocher au plafond, elles respirent, en respirant, elles dégagent du CO2, de la vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau va venir se condenser sur la paroi juste au-dessus d'elle. Eh bien, avec le CO2, cette eau devient légèrement acide, et le calcaire a horreur de l'acidité, ça fait de l'acide carbonique, et il va se dissoudre. Et les chauves-souris, sans le vouloir finalement, mais vont peu à peu creuser des petites coupoles qui vont faire jusqu'à 50 cm ou 70 cm de profondeur, que l'on appelle des cloches, voilà, ce sont des cloches à chauves-souris. Alors, que penser alors donc des crottes de chauves-souris dans les grottes ? Alors là, on passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'évidemment, on a parlé de la respiration. Lorsqu'on voit ces cloches au plafond typiques, celles qui sont vraiment liées aux chauves-souris, déjà on a un indice, mais il faut imaginer le guano. Alors les chauves-souris vont produire énormément de guano, c'est le reste de leur chasse. Hein. Ici, ce sont essentiellement des insectes, mais il y a des espèces frugivores et d'autres espèces qui mangent d'autres choses. Et ce guano s'accumule au sol, ça va faire des gros tas, parfois plusieurs mètres d'épaisseur. Et comme c'est de la matière organique, ça va commencer à fermenter. Donc ça va créer un petit peu de chaleur, mais surtout ça va libérer des acides, notamment de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique qui va s'échapper et qui va être emporté, si vous voulez, par la chaleur du tas de guano, et au sol de l'acide phosphorique. Et finalement, c'est la première fois que dans ce milieu qui était pourtant jusque-là très stable, on a de l'acidité, et pas n'importe quelle acidité, puisqu'un tas de guano, à la base, peut atteindre un pH de 2, donc c'est un acide extrêmement fort. Et ça va donc dissoudre le calcaire. Et imaginez finalement, nous maintenant quand on voit ça et la vitesse à laquelle ce processus évolue, on fait une image, un petit parallèle malheureux, mais on dit que c'est une véritable bombe atomique dans la grotte parce que ça va changer totalement les conditions d'évolution de la cavité. Donc avec la libération d'acide dans l'air avec le guano ferait donc reculer les parois. Qu'en est-il dans ce cas de la répartition de l'art pariétal au sein des grottes ? Alors ça, évidemment, du coup, on se repose la question. Si on regarde un petit peu les parois en se disant, avec un tel taux d'acidité, parce que cet acide sulfurique, cet acide nitrique va venir finalement précipiter, condenser, pardon, sur les parois, et avec le petit film d'eau que l'on y trouve, eh bien, il va corroder les parois. Et on arrive à mesurer, notamment parce qu'il y a parfois des petites coulées de calcite sur les parois qui sont elles aussi corrodées, puis qui vont finalement protéger un petit peu le calcaire derrière, et on arrive à mesurer des reculs de parois de plusieurs millimètres par millier d'années, voire plusieurs centimètres, et on a des grottes où on a même un mètre ou deux mètres de recul des parois. C'est énorme, ça fait finalement de ce phénomène que l'on appelle la biocorrosion, c'est une corrosion d'origine biogénique, ça fait un des phénomènes fondamentaux. Et finalement, on se dit, bien, notre œuvre pariétale que les artistes préhistoriques ont fait il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ce n'est qu'un petit film sur la paroi, et il suffit de faire reculer la paroi d'un millimètre pour bien imaginer que cette peinture va disparaître. Et donc on est en train de se demander si dans les endroits où il y a eu beaucoup de chauves-souris, eh bien quel impact cela a pu avoir sur les parois et surtout sur les œuvres pariétales qui pouvaient s'y trouver. Ce que l'on voit, c'est ce qu'a bien voulu nous laisser la chauve-souris. Comment vous êtes-vous aperçu de ce phénomène très destructif ? Eh bien, c'était il y a quelques années, nous allions voir une petite grotte dans les gorges de l'Ardèche, pour un tout autre sujet évidemment, et il y avait une très très belle stalactite, une grosse coulée de calcite, encore en vie si vous voulez, donc toujours alimentée par l'eau qui coule, hein, c'est du minéral. Et lorsque je suis passé un petit peu derrière, il y avait là une colonie de chauves-souris. Et derrière, eh bien, la concrétion était rongée à cœur. Il y avait vraiment des alvéoles, il y avait un tas de guano avec la calcite qui était devenue toute pulvérulente. Et là, je me suis dit, bon sang, c'est quand même important ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur petit coin, elles font monter la chaleur, il y a un petit peu d'acidité, et ça suffit pour corroder tout ce massif. Et là, déjà, c'était le premier indice, on s'est dit, attention, il y a peut-être quelque chose, localement, c'est important. Et puis ensuite, au gré de mes missions, nous nous sommes retrouvés avec mes collègues en Namibie, puis au Botswana, et au Botswana, en visitant une grotte, de manière touristique, on est tombé sur, cette fois-ci, des tas de guano monumentaux, et on retrouvait ces mêmes traces, ces mêmes formes de dissolution, partout sur les parois. Et l'air était irrespirable, hein, pour vous dire, ça piquait les yeux, il y avait des centaines de milliers de chauves-souris, et là on s'est dit, mais oui, cette atmosphère acide, en fait, elle est en train de ronger toute la grotte, et c'est toujours en cours d'évolution. Et au-delà même de l'acidité, puisqu'on parle que des phénomènes chimiques, mais il faut imaginer qu'il y a aussi toute une chaîne biologique, puisque finalement la chauve-souris, grâce à son guano, amène à manger sous terre, et donc toute une chaîne trophique, donc une chaîne alimentaire, se développe avec des bactéries et toute la succession. Et ces bactéries doivent elles aussi jouer un rôle dans la corrosion des parois. Donc c'est un monde, en fait, à découvrir. On en est, si vous voulez, à repérer les stigmates, à savoir les lire, à savoir les apprendre. Et donc, on apprend tous les jours. Et maintenant, on est dans la phase où on lance des analyses, on lance des mesures et on commence à caractériser tous ces processus. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Bruxelles, dans quelle mesure la répartition actuelle des grottes ornées reflète-t-elle une sélection originellement opérée par les sociétés préhistoriques ? Alors évidemment, ça c'est une question très difficile. Même mes collègues archéologues spécialistes de l'art pariétal savent évidemment, tout le monde sait que on a finalement ce qui nous parvient aujourd'hui comme art pariétal, ce n'est qu'une infime partie de ce qui a pu être produit, que ce soit dans les grottes et surtout d'ailleurs à l'extérieur où quasiment tout a disparu. Donc on sait qu'on a perdu une grande partie. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant, on rajoute finalement ce phénomène d'occupation des grottes par les chauves-souris depuis des milliers d'années, qui fait que même assez loin sous terre, même dans les zones où on pensait être un peu plus préservé, eh bien, on a perdu aussi ces vestiges archéologiques. On l'a très bien vu, notamment dans la grotte du Mas d'Azil, où toutes les galeries qui ont été occupées par des chauves-souris sont façonnées par la biocorrosion. Donc, on voit bien que les parois ont été totalement altérées. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait de l'art pariétal, en tout cas aujourd'hui il n'y en a plus, et les seuls endroits où on trouve de l'art pariétal, ce sont les petites galeries latérales, là où les chauves-souris n'allaient pas, et d'ailleurs dans ces galeries latérales, on voit encore les formes de creusement, c'est-à-dire les formes que la rivière a laissées lorsqu'elle coulait. Donc finalement on se dit, ben oui, il y a certainement quelque chose qui se passe, là où les chauves-souris ne sont pas allées, si les conditions étaient bonnes, l'art pariétal est préservé, mais par contre là elles sont allées, l'agressivité est telle, que ben, l'art a disparu. Et donc ça veut dire que il faut revoir certainement toutes les grottes ornées ou non ornées et réfléchir surtout à celles qui restent. Pourquoi finalement reste-t-il des grottes ornées ? Et voilà, et là, c'est là le travail aussi finalement du géomorphologue et du géoarchéologue, donc, qui travaille avec les archéologues. Et par exemple, lorsqu'on regarde la grotte Chauvet, ben, si les peintures aujourd'hui sont intactes et préservées, eh bien, c'est parce que le porche s'est effondré et donc les chauves-souris n'ont pas pu rentrer. La grotte Cosquer, c'est parce que la mer est montée. Et donc là aussi, il y a eu une préservation de cet art pariétal. La grotte les Cussac aussi, oui. La grotte de Cussac, la grotte de Niaud, la grotte de Perchemel. Toutes ces grottes sont des grottes qui ont une histoire où à un moment, eh bien, la connexion avec la surface s'est fermée. Et donc, eh bien, finalement, l'art pariétal a été préservé. Ne faut-il pas désormais pénétrer dans toutes les grottes pour mieux voir pourquoi il n'y aurait pas d'art ? Alors c'est le travail que l'on a lancé, donc on vient d'obtenir des programmes de recherche, le CNRS, les universités de Toulouse et le ministère de la Culture nous aident beaucoup là-dessus. Et grâce à ces programmes de recherche, eh bien, on est toute une équipe maintenant à revisiter les grottes, et même des grottes que l'on avait vues, que l'on pensait bien connaître, eh bien, on est en train de les relire complètement. Et à la fois les grottes ornées, pour savoir qu'est-ce qui les a protégées, mais également les grottes qui ne sont plus ornées, pour savoir si on a ce phénomène de biocorrosion et si elles avaient pu être ornées. Il faut savoir aussi que ce phénomène atteint les vestiges archéologiques au sol, c'est-à-dire que à une telle acidité, notamment sous le guano, va faire disparaître les ossements, mais va aussi affecter par exemple les silex, à tel point que les silex qui avaient été taillés par les hommes du paléolithique, voire même pour des périodes plus récentes, deviennent poreux, et notamment pour la grotte de la Roquette sur laquelle on travaille, les archéologues étaient étonnés de voir que ces silex flottaient. C'est pour dire à quel point l'agressivité a pu affecter aussi le matériel archéologique. De très belles photos de chauves-souris du photographe spéléologue Philippe Crochet figurent sur la page internet de l'émission. Mais les chiroptères, ces 1400 espèces de chauves-souris, on sait lesquelles vivaient dans vos grottes au cours du Pléistocène ? Alors il y a des travaux, il y a plusieurs espèces. Il faut savoir que plusieurs espèces cohabitent dans une grotte et surtout au gré de l'année, leur localisation varie, mais aussi au gré des climats, évidemment, les espèces ont varié. Donc il y a toute une histoire des chauves-souris à extraire de ces cavités. Donc on travaille avec des chiroptérologues qui sont des spécialistes des chauves-souris. Ce sont des passionnés, on a des échanges fantastiques avec eux parce que nous, on voit, si vous voulez, la conséquence de ces occupations de chauves-souris. Eux nous aident à comprendre quelle est l'éthologie, quel est le comportement des chauves-souris, pourquoi elles ont été là, pourquoi à certaines périodes on a des petits groupes, pourquoi à d'autres périodes on a des grandes masses de chauves-souris qui s'agglutinent. Et là, c'est vraiment ce travail d'échange ensemble qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Car bien évidemment, on parle de l'impact des chauves-souris sur l'art pariétal et on se dit, bon, c'est pas bien ce qu'elles ont fait, évidemment, elles sont pas responsables. Mais le but n'est surtout pas d'opposer culture et nature. On n'est pas là pour opposer les deux domaines. Mais au contraire, et grâce aux phénomènes que l'on étudie, mais surtout aux mesures et aux suivis que l'on va pouvoir faire tous ensemble, on aura des réponses argumentées et cohérentes pour protéger les chauves-souris, mais aussi dans certains cas pour se dire, pour disons détecter les atteintes pour l'art pariétal notamment. Un énorme volume vient de paraître sur la grotte Chauvet, nous en avons parlé, mais il n'y aurait pas de chauves-souris dans la grotte Chauvet? Parce que alors, justement fermée précocement? Alors, dans la grotte Chauvet, il y a visiblement, a priori, il n'y a pas eu de chauves-souris après les occupations aurignaciennes, notamment pour l'art que l'on connaît. La preuve, c'est que la plupart des figures, et ça, ce sont les archéologues, et notamment Carole Fritz, qui dirige la fouille dans cette cavité, qui pourra en parler, mais il y a une cohérence, de toute façon, dans la répartition de cet art, dans les panneaux, et a priori, il n'y a pas de manque. En revanche, il y a eu des chauves-souris avant, et... c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre appréhension des formes telles qu'on les comprend maintenant, eh bien, on arrive à voir que à la grotte Chauvet, il y a eu des occupations de chauves-souris avant. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pareil à la grotte au Pêche-Merle, par exemple, si vous voulez, dans le Lot. Dans ces grottes, il y a eu des occupations de chauves-souris avant l'art pariétal. Et d'ailleurs, ça a contribué à lisser les parois. C'est-à-dire qu'on a des parois qui, originellement, étaient relativement rugueuses, telles que l'eau l'avait laissée. Et le phénomène de biocorrosion a tendance à lisser les parois et finalement prépare la toile de la peinture. Donc voilà le bon côté aussi là de la biocorrosion, c'est qu'elle prépare et qu'elle ça nous a permis d'avoir des sites aussi fantastiques que la grotte Chauvet. Via Twitter, un auditeur nous pose une question. Il souhaite savoir quels sont les outils de sondage non destructifs dans les grottes. Oui, on évite en plus effectivement de détruire au maximum, surtout s'il y a de l'archéologie. Dans ce cas, on passe dans le cadre d'une fouille, donc il ne faut pas toucher le sol. Eh bien, c'est ce que nous faisions justement cet après-midi, une heure avant l'émission, avec des collègues géologues de l'Université de Montpellier. On fait de la géophysique, c'est-à-dire qu'on va injecter, par exemple, de l'électricité dans le sol. Et on va voir un petit peu comment chaque électrode discute, et ça va nous permettre de savoir exactement ce qu'il y avait entre les deux. Donc, par exemple, la profondeur du remplissage, la succession des couches, s'il y a des blocs, voilà, où sont les parois. Donc, on fait une géométrie de ce qu'il y a dessous, sans même avoir besoin de le toucher. Je parlais de la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne et de cette structure en stalactite vieille de 170 000 ans. Les chauves-souris ont donc eu le temps de passer dans cette grotte, j'imagine. Elles sont passées, effectivement. Il y a des formes très évidentes, là aussi, de biocorrosion. Plutôt avant, puisque la structure, elle, n'est pas du tout touchée a priori. Alors, je n'y suis pas allé, mais on voit bien qu'on a quand même quelque chose de relativement frais, avec une très belle calcite peu altérée. Mais il y a des indices, un petit peu partout dans la cavité, de biocorrosion. Donc là aussi, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Puisque finalement, on a une préparation du site avec la fréquentation des chauves-souris. Et si les chauves-souris pouvaient venir, ça veut dire qu'il y avait une entrée, qui n'est pas forcément l'entrée des hommes. Donc il y a aussi une histoire de la cavité à extraire de l'information qu'ont laissé les chauves-souris. Laurent Bruxelles, vous mettez donc en évidence des formes particulières, des coupoles dues à la respiration des chauves-souris, des encoches. C'est toutes ces formes que vous recensez? On fait un véritable catalogue, parce que l'eau sous terre a laissé des formes, elle a laissé des coupoles, elle a laissé des encoches sur les parois, des choses comme ça. Et donc, et les chauves-souris aussi, mais ce sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est pour ça qu'on est obligé de revisiter. Si vous voulez, on fait maintenant en permanence un aller-retour. On est obligé d'aller revoir des grottes dites normales, celles qui ont été creusées par l'eau et qui n'ont pas été occupées par les chauves-souris, pour aller revoir les formes initiales, pour ensuite mieux revenir dans les grottes où il y a les chauves-souris et extraire, si vous voulez, la différence. Et c'est ça, dans la région où je travaille ici, il y a deux grottes très très proches, dans le même contexte géologique, et qui ont les deux une histoire très différente. L'une a été recoupée par une carrière dans les années 60, l'autre par contre est ouverte depuis des centaines de milliers d'années à l'air libre. Et bien dans la première, il y a quasiment pas de chauves-souris, et donc on peut lire la grotte telle que l'eau l'a laissée. Et dans la seconde, par comparaison, on arrive à extraire toutes les formes. Et ces formes, c'est important, parce qu'une fois qu'on les aura dans l'œil, une fois qu'on les aura cataloguées, inventoriées, eh bien nous pourrons aller voir des sites et puis faire un diagnostic beaucoup plus affûté et surtout révéler la présence et l'impact des chauves-souris qui, pour l'instant, est quasi inconnu dans beaucoup d'endroits. Concluons sur les crottes en grotte par une petite histoire. Le caca, bien sûr, ça fait toujours rire les enfants, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela se fossilise très bien. C'est ce que l'on appelle donc les coprolites. Dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne, les préhistoriens ont trouvé un coprolite dans une bauge d'ours. Était-ce l'homme ou l'ours? Eh bien, c'était l'homme qui n'avait pas voulu faire les 800 mètres jusqu'à la sortie, et on le sait parce qu'il avait une parasitose, l'Ascaris lombricoïde, que seuls les humains possèdent. Laurent Bruxelles, la biocorrosion est un sujet totalement méconnu, mais qui prendrait de l'ampleur chaque jour dans votre microcosme ? Oui, chaque jour. Là, maintenant que l'on a, si vous voulez, tiré un petit peu le fil, on s'aperçoit que bien, on étudie les formes de la biocorrosion, on écrit une nouvelle histoire de la grotte, une nouvelle histoire des entrées, mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que maintenant, on peut travailler sur les informations que contiennent, par exemple, les guanos de chauve-souris. Ça, c'est des choses maintenant dont finalement, la chauve-souris, si vous voulez, quand elle a vécu autour de sa grotte, elle a consommé des insectes, elle a rapatrié cette information dans la grotte, qui se sont concentrés dans l'état de guano, et là c'est d'une très très grande richesse en information. Je crois que vous retrouvez des métaux même. Alors oui, tout à fait. Donc il y a des pollens, évidemment, beaucoup de pollens. En plus, c'est un milieu acide, donc ça va les préserver. Il y a de l'ADN, donc on peut savoir quel est l'ADN des chauves-souris qui vivaient, mais aussi des insectes qui sont consommés. Donc là, on a des laboratoires qui travaillent avec nous et qui nous font ces analyses. On pourrait même trouver, on a des signes de métaux. Alors là, c'est avec mon collègue Lionel Barrican, où on a une carotte de guano que l'on avait prélevée dans la veine d'Orniac. Et une datation nous a donné un âge de 3000 ans, donc c'est quand même du vieux guano, mais on a par exemple un pic en cuivre. Et or, c'est à ce moment-là qu'apparaît la métallurgie du cuivre. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans ces vieux guanos, je vous rappelle qu'il y en a qui peuvent remonter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années, on a les impacts de l'homme sur le paysage, les déboisements, et puis peut-être l'apparition de cultures, le cuivre, l'âge du fer, les plombs, voire même les polluants très très récents. Laurent Bruxelles, en vraiment 5 secondes, vous cherchez aussi toutes les formes anormales dans les grottes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mais quand on connaît comment se forme une grotte, comment elle se creuse, ensuite on peut trouver tout ce qui est anormal. Et l'homme est rentré dans les grottes et a modifié beaucoup de choses. Et là maintenant, on est avec une équipe de collègues et très régulièrement, on cherche tout ce qui n'est pas normal. Et très souvent, c'est l'homme. Et donc, ça nous fait une relecture archéologique de très très nombreux sites. Laurent Bruxelles, un grand merci. Merci. Merci. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Sylvain Latu, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, départ pour Kerma et le Soudan.